Fais deux motifs, deux couplets, deux motifs de refrain. Et puis après, on passe à autre chose. On essaye. Mais je sais pas si ça marche avec le nombre de mesures, là, si ça, ça déconne pas, ça. Non ? Allez, je ressaye une dernière fois. D'accord, je fais... Ok. Alors attends, je retourne mon texte et je pars à une mesure, hein, d'accord ? Mais je fais une mesure d'intro. Oui, oui, c'est synchro chez moi, ouais. Je vais faire une mesure d'intro, hein. explain. We're talking about you, boy. We're talking about you. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. Just hear the same. Midnight Express. Le Midnight Express, ouais. Tu sais faire la guitare, Midnight Express? Attends, je pars à... La basse synthé, c'est pourri. Jamais de pédalier. Pédalier boss, tu sais. Ah ouais, j'en avais un de ça. Thank you. musique. J'entends pas non plus ma basse, vous l'entendez vous ? We'll be right back. un peu le bordel. Mm-hmm.